Bonjour et bienvenue sur ce premier podcast autour du jeu de rôle Monster of the Week. Monster of the Week, c'est l'histoire d'une équipe de chasseurs de monstres qui partira chaque semaine à la traque du surnaturel à travers le pays, voire le monde entier, afin de chasser les monstres. Dans cette équipe, nous avons Edgar, dit l'expert, qui est un peu le papa du groupe, celui qui s'y connaît le plus en surnaturel. Nous avons Jonah Kospa. Jonah est plutôt l'agent de liaison, il est très à l'aise dans les relations sociales. Nous avons Mia, qui est plutôt la parano du groupe, qui pense avoir découvert un complot mondial, qui décèle très facilement si une personne ment. Et Cassie, l'épouvantail, qui a des pouvoirs particulier, elle peut voir des choses, sentir des choses, mais c'est des pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas forcément toujours très bien. Cette fois-ci, les chasseurs ont été contactés par la CIA afin de mener une mission au Groenland sur une base secrète à Thulé. Un monstre, en effet, se serait échappé de la base et ils ont pour mission de l'arrêter avant que leur secret et leur petite manigance ne soit dévoilée. Ils ont pris un avion au niveau de la zone 51, un avion fait d'un métal noir avec des glyphes bleutés dessus, quelque chose qu'ils ne connaissent pas. On se croirait vraiment dans le futur lorsqu'ils ont vu cet avion et ils arrivent bientôt sur la base de Tulé. Pendant le transport, Cassie a eu une vision. Elle a vu une église, elle a vu des sortes de momies et un petit village sous la neige. Je vous laisse avec la partie. Bonne écoute. Vous arrivez donc sur la base de Tulé. Et quand vous arrivez, l'engin dans lequel vous êtes commence à décélérer. Vous voyez la base entourée de glace. Et il y a une immense brèche au niveau de la base qui s'ouvre au centre de la base. Et ce qui semble être une simple station météo ou scientifique. Et il y a l'engin qui vous transporte qui s'enfonce dans cette brèche. Et autour de vous, vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes dans une sorte d'immense cylindre vertical, fait du même métal noir que l'avion et parsemé de lignes géométriques bleutées qui balancent des sortes de petites électricités à cadence régulière. Vous descendez, la descente est assez longue. Vous voyez au-dessus de vous que la brèche se referme. Et une fois atterri et sorti de l'avion, vous voyez sur la station d'atterrissage l'agent Andrew Peterson qui vous attend. Il fait partie des unités d'élite recrutées avec soin par la CIA. Il a le visage aussi impassible que son supérieur. Et pourtant, on distingue clairement, dans son attitude, en tout cas quand vous arrivez, à la fois du soulagement et à la fois beaucoup de terreur. Vous avez l'impression d'être dans un film de science-fiction dans l'endroit où vous êtes. C'est vraiment un endroit qui a rien à voir avec ce que vous connaissez. Il y fait extrêmement froid et il y a une forte odeur de cadavre en putréfaction qui vous picote violemment les narines, à la limite de la nausée. Alors que vous vous dirigez vers le commandant, James Gordon reste dans l'engin et vous dit qu'il a d'autres affaires urgentes à régler. Et l'avion redécale et disparaît rapidement en haut du cylindre qui se referme. Le commandant Peterson est devant vous et il vous demande l'agent Gordon vous a-t-il expliqué la situation? Alors, plus ou moins, il nous a indiqué qu'une créature était sortie du portail et avait commencé à faire des ravages dans la base en tuant un militaire et un révérend, mais sans plus. D'accord. Eh bien, écoutez, il y a 2 jours, effectivement, une créature a échappé à la barrière de métal et de glyphes. Elle a tué 4 hommes et le révérend de la base. J'étais sur place, je l'ai vu. On aurait dit un extraterrestre, tout droit sorti d'un film, un grand être svelte de 2 mètres de haut, grisâtre. Mes hommes sont tétanisés et je crains une désertion massive. Les corps sont encore à la morgue et leurs dépouilles glacent le sang. Comme ce froid, qui s'en va plus et cette odeur. Depuis que la bête est sortie, on s'y fait, mais certains vomissent encore. Nous pensons qu'elle est partie en direction de Kanak. En tout cas, les vidéos de surveillance ont montré une sorte d'ombre noire rapide partir dans cette direction. Nous avons envoyé Suite des... une unité spéciale à sa poursuite et elles indiquent qu'il y a des traces de glace noirâtre qui indiquent comme le chemin qu'a pris cette créature. Vous voyez qu'il semble à bout de force, à la fois physiquement et mentalement, et il tente de garder une forme de prestance, de professionnalisme lié à son rang d'unité spéciale, mais vous voyez bien qu'il est prêt à mettre tous ses espoirs en vous, quoi. Vous êtes les premiers arrivés, c'est vous. Il Au vous, service. voilà, c'est vraiment, il compte sur vous. Il vous regarde. Vous voyez dans ses Les derniers yeux, espoirs. ça trahit le désarroi et les yeux semblent crier à l'aide, aidez-moi, sortez-moi de là. Ok, est-ce que je fais chef, permission de parler? Oui, bien sûr. Ah, pardon. Très bien. Monsieur Andrew, enchanté, John Acosta, je suis l'agent de liaison. J'aimerais d'abord que vous me donniez les adresses ainsi que les coordonnées des familles des victimes. Et enfin, j'aimerais vous poser quelques questions sur sur le révérend. Bien sûr, bien sûr. D'abord, alors je sais que il y a parfois sur des bases militaires des petites chapelles ou ce genre de choses, mais ce que j'aimerais savoir, c'est le révérend se trouvait où ce soir-là? Il était avec les quatre soldats, il faisait une prière pas très loin du portail. Le portail est juste au fond du couloir. D'accord. Alors, Très bien, très attends, bien. en fait, c'est un immense couloir avec de part et d'autre des sortes de pièces, alors des fois des dortoirs ou des labos. Et au fond se trouve sans doute l'endroit où il y a le portail. Et donc, il t'explique qu'effectivement, le révérend était avec les quatre autres personnes en train de prier, pas très loin du lieu du Ok, très bien. portail où il a été. Où la bête s'est échappée. Et donc oui, du coup, envoyez-moi plus tard les coordonnées des familles des victimes, s'il vous plaît. Je le ferai, je le ferai. Avez-vous une adresse mail ou quelque chose sur lequel je pourrais vous envoyer tout ça? Oui, bien sûr. D'accord, donc il prend ton adresse mail et Kikou du 44@gmail.com. Je t'emmerde. pas, Ok. pas, par quoi voulez-vous commencer, vous demande-t-il. Bon, du coup, je vous propose qu'on aille voir les corps pour voir qui en retourne. Ok, je suis d'accord. Et prenez le matériel avec vous. Je veux tout matériel possible, détection, on va analyser, on va tout faire. Je veux savoir sur ce qu'on est. Ok. Vous Je vais partez. aller parler aux soldats de la base. Alors, du coup, Edgar, tu pars vers la morgue. Oui. Enfin, en tout cas, ce qu'ils ont aménagé comme une morgue de fortune. Avec le reste du groupe, ou Jonah, après tu vas peut-être après parler avec les soldats de la base. Ouais, et Andrew aussi. J'aimerais bien lui poser diverses questions. D'accord. Bon, mais vous allez à la morgue, et là effectivement, Cassie, c'est un peu comme ta vision, c'est-à-dire vous voyez des corps en décharnés, comme s'ils avaient été vidés de leur énergie. Ah. Vous voyez des corps vraiment décharnés. Ça ressemble, pour vous prendre une image, c'est vraiment un peu si vous en avez déjà vu. Je sais pas si vous en avez déjà vu, mais les momies incas, Oui, vraiment décharnés comme ça. ils sont plus à la paille. Oui, je suis vieille qu'une momie, pardon. Et quand vous approchez des corps, l'odeur de putréfaction est vraiment encore plus prenante à ce moment-là. Edgar, du Wow. coup, qui était dessus, est-ce que tu fais quelque chose par rapport à ça? Bah du coup je vais regarder les corps, donc j'imagine que ça sera donc le mystère. Ouais, tout à fait. Hop. Donc on va retourner, on va regarder les corps, on va voir s'il y a des traces je sais pas d'énergie, des traces de morsure, des traces de toucher, ce genre de choses. D'accord. Bah, du coup, sur un 7-9, tu peux me poser une question dans la liste. Ouais, je vais regarder la liste du coup. Ouais. On va dire, y a-t-il quelque chose de caché par ici? Sur les Des corps? cadavres, Sherlock. En Ouais. regardant les corps, tu remarques quelques stries de glace noirâtre, mais c'est pas vraiment caché. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché par ici à... Tu sais que la base militaire cache un portail dimensionnel. Mis à part ça, oui. Tu ne vois rien d'autre, en tout cas en étudiant ces corps-là. D'accord. Ok. Très bien, très bien. Cassie, ouais. Pardon. Ah oui. Cassie, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Déjà, je le suis, essayer de voir si j'ai quelque chose de lié par rapport aux prémonitions. Alors effectivement, ça, les corps sont oui, exactement comme dans ta prémonition. Disons que sur le moment, j'ai pas grand-chose que je peux faire. Ok. Donc en fait, tu suis Edgar parce que bah, c'est quand même toi aussi un peu la personne qui t'a aidé et du coup tu te réfères un peu à lui à ce moment-là. Mia, toi tu en es où là dans cette base? Tu fais quoi? Bah déjà je suis apparu. Ouais, c'est pas mal. Un petit mouchoir, je le mets sur la bouche. Ouais. Pour me cacher le nez. L'odeur est très très forte. Du nez. L'odeur de putréfaction est très très forte. Je vais récupérer un échantillon pour essayer d'identifier plus tard, savoir s'il n'y a pas une nécrose prématurée ou ce genre de choses sur les corps. D'accord. Est-ce que toi aussi tu enquêterais pas sur un mystère à ce moment-là? Du coup, en faisant ce jet-là, je fais un jet de mystère. Enfin, en faisant cette action-là, je fais un jet sur. Enquêter sur un mystère? Ouais. Est-ce que toi aussi tu t'y mets? Peut-être qu'on fera un peu différemment la prochaine fois, c'est-à-dire qu'en fait il y en a un qui enquête et l'autre qui fait une aide qui permet de rajouter plus un à celui qui enquête. Mais là pour cette fois-ci, comme j'ai oublié de le faire, on peut faire deux enquêtes sur mystère. Donc toi aussi t'as une question que tu peux poser parmi un. Je dis que voulait-elle faire, dans le sens où est-ce que elle voulait juste pomper le sang autant qu'elle pouvait sur les trucs pour en aspirer le plus d'énergie, ou simplement est-ce qu'elle voulait, simplement façon de parler, ou est-ce qu'elle voulait, je sais pas moi, avoir, enfin, est-ce qu'elle a tué pour le plaisir ou tué pour se nourrir? C'est ça que je veux savoir en fait. Voilà. J'arrivais pas à trouver les mots, pardon. Quand tu regardes le corps, que tu prélèves des échantillons, toi ça te donne l'impression qu'elle a aspiré, en plus ces corps décharnés, momifiés, t'as l'impression qu'elle a aspiré l'énergie vitale complète de ces personnes-là. Ouais. Que voulait-elle faire? Peut-être effectivement une sorte de nourriture. Ouais, peut-être une bonne pomme pote, ouais. Voilà, je suis aspiré comme des pop-corn, ouais. Du coup, je balance cette image-là à Edgar. Et du coup, au groupe, tous ceux qui se sont contactés. Okay. Pendant ce temps. C'est devenu des pop-potes. Pendant ce temps, Jonah, tu t'es approché de Andrew Peterson parce que tu avais d'autres questions à lui poser. Ouais, je voulais d'abord. J'aimerais vous poser des questions. D'abord, y avait-il des soldats qui ont vu cette créature en plus de vous? Oui, nous sommes deux ou trois. Enfin. En tout cas, tous ceux qui étaient autour du portail pour le garder ont vu la créature, effectivement. J'allais vous dire que nous sommes pas tous d'accord sur qu'est-ce que nous avons vu. D'accord. J'aimerais bien que vous réunissiez ces trois soldats le plus vite possible. Bien sûr. Maintenant, s'il vous plaît. Bien sûr, j'y vais de ce... Non, en fait, il vaudrait mieux que ça soit vous qui veniez parce qu'ils sont en poste pour garder le portail. Ah, ouais, ok. Bon, je vous laisse à la morgue et puis moi j'y vais ou vous me suivez? Je vais te suivre. Tu veux que je vienne avec toi pour tenir la main? Bon, on t'a suivi. Ok, très bien. Du coup, vous continuez le long de ce couloir et donc c'est effectivement de part et part, un coup vous voyez. Les portes sont toutes ouvertes, à droite, à gauche. Il y a des labos, il y a un dortoir. Il y a un endroit, sans doute une salle de repos, des choses comme ça. Et puis quand vous arrivez, au bout de ce couloir, il y a un grand escalier qui descend. Et, et du coup vous mettez à descendre cet escalier. Vous descendez l'escalier et en fait là il n'y a plus de métal noir autour de vous, il n'y a plus les glyphes. Vous vous rendez compte que vous êtes dans une, mais alors, immense grotte souterraine. Au-dessus de vous, le plafond, le plafond doit être à 60 mètres au-dessus de vous. Et il est fait de glace, quoi. C'est comme si vous étiez dans le creux d'un iceberg, presque. Enfin, dans le creux de la glace du pôle Nord. Vous descendez, et vous descendez comme ça, et puis tout en bas, vous apercevez une sorte de cercle noir haut d'un petit mètre sans doute de là où vous êtes, et à l'intérieur de il est composé de glyphes, et à l'intérieur de ce cercle vous voyez un immense anneau. Pour certains d'entre vous, vous avez maté des séries sur Netflix, vous avez vu Stargate ou des trucs comme ça, et ça ressemble un peu à un anneau à la Stargate, sauf qu'il est posé à l'horizontale comme une sorte de piscine circulaire en fait. Et vous approchez, vous descendez, vous arrivez devant ce portail dimensionnel. Lorsque vous êtes assez près, vous prenez vraiment la mesure de l'immensité de cette grotte. Hein, vraiment avec ce plafond immense, une circonférence qui doit être aussi grande que la hauteur de plafond. À l'intérieur de l'anneau, il y a une sorte de voile laiteux qui doit sans doute mener vers une autre dimension. Et par intermittence, il y a des ombres qui en sortent comme des coups de vent violents. Ils font le tour du cercle et re-rentrent. C'est très rapide. Et ça produit des sons très différents. Les ombres n'ont pas l'air d'être toutes les mêmes. Il y en a certaines qui prononcent des sortes de mots avec une voix gutturale. Et puis pour d'autres, c'est des petits cris stridents. L'endroit est vraiment très inquiétant. Et il y a des troupes armées tout autour du cercle qui gardent une position en joue, prêts à tirer s'il le faut. Mais vous voyez à leur allure qu'ils ont bien plus de mal que le commandant a caché leur terreur. Il y en a certains qui tremblent, qui ont du mal à garder la position. Ils sont tous terrifiés. Terrifiés. Il y a donc il y a bien une cuve de protection autour, c'est ça? Autour de ce cercle, un peu, de cet anneau qui emmène sans doute vers une autre dimension, il y a un cercle de métal noir avec des glyphes bleus, comme sur l'avion. C'est exactement les mêmes choses que vous avez retrouvées sur l'avion. Edgar... un dernier truc sur Edgar, et après on passe à toi, Jonah. Ouais, Edgar, quand tu vois ces ombres, tu as un pressentiment, enfin, il y a quelque chose qui te rappelle ton passé. Oui, j'y pensais justement. Voilà, ça te rappelle des choses de ton passé, et peut-être pas exactement pareil, mais il y a quelque chose qui te met très mal à l'aise par rapport à ça en tout cas. Sans doute. Et là, donc, j'ai juste. Du coup, j'ai très rapidement perdre. Je vais un peu être. Je sais pas. Ça se dit composure, je crois. Je sais plus exactement. Comment ? Enfin, un peu ma composure. J'ai échappé à un petit merde. Ok. Merde. Tu vas te rebeller ! Ok. Du coup, Jonah, que fais-tu hein ? Alors, moi, du coup, j'aimerais juste aller voir Cassie vite fait, en tête à tête, et lui demander. Je veux juste savoir, concernant tes pouvoirs, est-ce que tu es capable de comprendre ce que ressentent les gens? Je ne connais pas bien la magie, donc... Moi, directement, pas vraiment les gens, mais par rapport aux créatures auxquelles on peut faire face, je peux avoir quelques explications sur qu'est-ce qu'elles voudraient faire ou ce qu'elles ressentent, mais c'est plus comme des questions. Ok, d'accord. Ok, donc je vais avoir besoin de toi pour faire semblant. Il va falloir que tu fasses semblant de te concentrer et de faire semblant, ou alors tu me fais vraiment, de communiquer avec les ombres, ok? Il faut savoir que j'ai une idée en tête. Bien. Est-ce que tu veux lui expliques l'idée ou pas du tout? Ça risque d'aider tout le monde, pour le coup. Si ça ne te dérange pas. En faisant semblant? En faisant semblant. Ou tu peux le faire. Ça ne me dérange pas, je sais pas comment ça marche la magie, s'il y a une répercussion, donc, peut-être là. Mais... Voilà, le faisant réellement, il se peut que les créatures prennent réellement conscience de qui on est, de ce qu'il y a autour, et ils risquent de se retourner contre nous. Et j'éviterais d'amener toute une colonie d'une autre dimension dans la ouais, route. Ouais, fais semblant. Ouais. Je pense. Ouais. On va faire semblant. Ok. J'arrive et je vais essayer de parler à tous les soldats. Tu sais pourquoi je les coupe plus du coup? Donc, Je masque devant tailleur et je fronce les sourcils fortement. Vas-y, okay. Jonah, vas-y. Ok, et là je vais arriver, je vais faire. Messieurs, pas la peine de vous inquiéter. Enfin, regardez-vous, vous tremblotez comme des enfants. Mais laissez-moi vous montrer mon amie juste ici. Elle est capable de. Commencez par. C'est trop dur à dire. Elle est capable de rigoler sur demande. Elle est capable de ressentir ce que ressentent ces créatures. Et de ce qu'elle m'a dit, ces créatures-là ressentent la peur comme deux animaux qui se voient. Après tout, messieurs, la petite bête ne va pas manger la grosse. Je vais essayer de tous les manipuler en gros pour qu'ils se sentent un peu mieux. Et que du coup, ils soient pas dans une terreur ultime. D'accord. Ils commencent pas à baisser leur garde, mais à se dire, ok, on est plus fort qu'elle, tout ça. D'accord. Mais là, tu fais du coup une manipulation un peu de masse. Alors sur une manipulation de masse, moi j'aimerais te mettre un petit moins 1 quand même. Mais ça me va carrément. Moi je suis d'accord aussi pour le moins 1 parce que c'est. Oui, bah oui, tu m'étonnes. C'est quand même pas. Enfin voilà, tu vas fort, hein. Oh non, quel enculé. 13 quoi. Tu es brillant. Elle la ramène pas, expert, hein, je te rappelle pas, elle en sait dès que t'as fait la saison d'avant, voilà. Tu es brillant dans tes explications, et tu vois que les... que ça calme légèrement... Fais un PowerPoint, quoi. Que ça calme, ça calme, en tout cas pour le moment, légèrement les troupes armées qui arrivent à reprendre un peu de couleur, un peu de prestance, et regarde Cassie en se disant un peu notre sauveuse, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on tourne les choses. Du coup, Jonah, tu voulais en profiter pour faire quelque chose de particulier. Je vais parler en gros et du coup, je vais faire. Bien, maintenant que vos hommes sont un peu ressaisis, amenez-moi les trois qui l'ont vu. Ou les quatre, je ne sais plus. S'il vous plaît, maintenant. Tu vois qu'il les interpelle. John, machin, bidule, chouette, venez, s'il vous plaît. John et Mike. Bruce, viens par ici. Officier Bruce, venez là. Il y a les quatre qui arrivent. Effectivement, ils ont la. Tu vois que voilà, ils ont le teint de peau qui est moins laiteux, quoi. Hein. T'as réussi quand même un peu ton coup à ce moment-là. J'en suis bien content. Et donc du coup, je vais leur demander bien ce que j'aimerais savoir et grâce à ce. J'espère que vous avez un peu plus de concentration maintenant. J'aimerais savoir si vous avez entendu la créature parler ou émettre un son, un bruit différent. J'aimerais que vous cherchiez à l'intérieur de vous, de vos émotions. Là, il y en a un qui te parle directement, qui intervient en premier, un peu en coupant la voix de tous les autres et qui te dit c'était le diable en personne, je vous le jure, c'était le diable. Il avait une queue pointue, des cornes. C'était le diable. Et t'en as un autre qui le coupe encore et qui lui dit « Mais tu dis n'importe quoi, c'était un petit homme gris, un extraterrestre, moi je te dis. » Et puis il y en a un autre encore qui coupe et qui dit « Mais vous dites n'importe quoi, c'était une ombre menaçante qui disait que nous étions des personnes impies. » Et tu vois qu'en fait, ils ont tous une version différente de la chose. D'accord. Je prends note. Des versions différentes, je regarde Andrew et il fait « Andrew, veuillez ressaisir vos hommes, ce n'est pas une bonne discipline que de laisser prendre la parole avant leur chef. » Andrew te regarde d'un air désespéré et te dit « On vient de perdre 5 personnes, une créature qui... Mais ne vous qui laisse pas, une odeur et un froid aussi. » Maintenant, laissez-nous, nous devons aller au village. Je pense. Et je regarde Edgar en mode « Merde, j'ai peut-être dit un truc qu'il fallait voir. » Ouais. Ok, cool. Mia, est-ce que pendant ce temps, toi, tu as fait quelque chose de particulier? Je regarde pas, je fais pas grand-chose, non. J'écoute. D'accord. Moi, je suis juste là pour apporter du soutien. Mais... Vous êtes juste côté du. Je demande un véhicule à Andrew. Un véhicule avec donc, une trigueuse de tuyaux, si c'est possible. Ouais, pardon, Mia, tu disais. Oui, des lance-flammes sur les côtés et des pieux dans les au niveau des roues, ouais, pas trop exactement. Et alors, si possible, avec du même métal que le truc d'avant. Oui. Alors nous n'avons pas un véhicule avec le même métal. Nous avons un véhicule qui pourra très bien convenir pour les froids, les grandes étendues glacées du Groenland, c'est-à-dire un véhicule à chenille. En ce qui concerne un lance-flamme, nous pourrions peut-être vous bricoler quelque chose, ou alors si vous savez un peu bricoler, vous pourriez peut-être le faire. Ouais, je m'en occupe. Très bien. Si vous me donnez les éléments nécessaires, je m'en occupe. En remontant, vous trouverez un lance-flamme, deuxième porte à droite dans l'armurerie. C'est moi qui le fais vraiment. C'est débile. Est-ce que... Non, du coup, moi je suis juste quand même un peu choqué, mais derrière, parce que c'est un peu le truc qui m'a fait me faire virer de l'école de journalisme, et qui m'a fait du coup changer complètement de voix, parce que j'avais aucune crédibilité à cause de tout le monde qui s'est foutu de ma gueule, parce que ça s'appelait l'effet de serre, MDR. Du coup, je dévisage un peu le portail de temps en temps, en mode, juste perdre toute trace de tête. Voilà. T'as Edgar qui est en train de dire des merdes, et t'as l'autre qui est à côté qui... Merde, et t'as l'autre... Putain de salope. C'est... Par contre, je pense avoir une hypothèse pour le truc gris. Si ça vous intéresse, je pense avoir une hypothèse. Ouais, carrément. On a peut-être dans le véhicule quand on est en partance pour le village. Vous commencez à partir ou tu exposes ton hypothèse avec Andrew Peterson à côté? Non, pas tant que ça. J'allais dire qu'on pouvait... Ceux-là étaient complètement cons, mais... Ouais, ça aide pas ça. Autant pas lui devant ses hommes, quoi. Il a subi ses hommes. Bah, moi, du coup, je vais juste. J'ai essayé de trouver un moment où on peut se réunir tous les quatre, pour que du coup je parle de ce que je connais sur ce genre de phénomène. D'accord. Du coup, vous montez, vous remontez, vous laissez l'agent Peterson essayer de recalmer ses gardes et de maintenir une forme, en tout cas, d'autorité, de discipline, mais il vous l'a bien fait comprendre qu'il a très peur d'une désertion massive suite aux derniers événements. Oh, bah, je sais pas, mon speech, et, ça peut-être un peu sur le moment, en tout cas. Vous remontez, okay. Vous arrivez à l'armurerie où Jonah, tu comptais récupérer le lance-flamme, et là, peut-être Edgar, tu prends toute l'équipe avec toi, et du coup, bah, vas-y. Bon, je vais être honnête avec vous. Cette chose, toute, que ce soit tout dans la totalité, que ce soit le portail, que ce soit cette chose, les ombres que j'ai vues, ça concorde quasiment parfaitement avec une chose que je recherche depuis des années. Donc ça serait, je ne sais pas si c'est la même créature, mais je veux d'abord faire le point avec vous. Sachez que cette créature ne peut rentrer dans votre esprit comme elle le veut. Elle fait les choses, ce dont vous pensez impossible et ce dont vous avez le plus peur. Voilà, donc c'est ça mon hypothèse, c'est qu'en fait le truc que tu as là, en fait l'espèce d'alien vert ou je sais pas quoi, c'est que les mecs ont une peur du film alien, c'est comme ça. Par exemple, ça veut dire que c'est en apparence qui nous effraie en fait. C'est comme un épouvantard, oui. Ouais, voilà, un épouvantard. Tout à fait. C'est le truc qui te fait le plus peur, t'es en face de toi. Donc les limites. Le pouvoir de cette créature, ce sont nous-mêmes. Ah non, mais si c'est, oui, bien, si c'est bien cette créature. Moi, c'est le bordel. Parce que moi, ce que j'ai donc plus. J'ai peur du monde. Il va y avoir une planète qui va lui tomber moi, dessus. Je suis patriarcat, donc j'ai peur. Comment tu m'intéresses de patriarcat? Ce sera un mec un peu macho, donc en fait, je le verrai pas arriver. Merde. Ah merde. Donc, c'est voilà, ça veut dire que je vais être tout à fait transparent avec vous. Je commence à suer, hein. Je commence à vraiment stresser, parce que si c'est ma plus grande peur, j'ai très peur de ce que je vais voir. Il faut pas stresser. Si jamais, non mais... si jamais on tombe dessus, on ne sait pas quelle forme elle va prendre, c'est surtout ça. C'est pas votre peur à vous. Ne l'oubliez pas, c'est la peur d'un groupe. Ok. Donc préparez-vous, c'est une forme tangible, c'est vivant, c'est tuable. Ne l'oubliez certainement pas. Ah bah je prends le lance-flamme, hein, t'en fais pas, je vais pas l'oublier. Équipez-vous en conséquence, prenez vos armes, prenez vos équipements et... Ok. Donc vous avez tout votre équipement et Jonah, tu as pu installer sur l'engin à chenille le lance-flamme. Et il y a une mitrailleuse sur l'engin, juste au cas où. Alors... Une simple barre où tu installes une mitrailleuse mobile. Et effectivement, il y a une mitrailleuse parce que disons que la base de Tulé est quand même une base militaire secrète et qu'ils sont en capacité, vu ce qu'ils y ont découvert, de faire disparaître les gens qui seraient dans le coin ou de essayer de tuer ce qui pourrait en sortir. Donc effectivement, ils sont lourdement armés au niveau de la base. Eh bah parfait. Vous partez. Ça. Vous partez, et de toute façon, en plus, le Andrew Peterson est tellement, tellement désemparé, même s'il vous le montre pas trop, mais vous le voyez, il est tellement désemparé qu'il vous donnerait, tout, quoi. Il vous donnerait sa mère s'il faut pour se sauver, quoi, et sauver ses hommes. Il serait capable de tout. Vous commencez à partir, et dehors, y a un vent terrible. Vous êtes au Groenland, mais au nord du Groenland, très proche du cercle polaire. J'ai pas mis de carte du Groenland. Bon, tant pis, c'est pas grave. Vous êtes très proche du cercle polaire, et donc il fait très très froid. Mais comme vous êtes sur le bord de la côte, il y a le golfe. Comment il s'appelle ? Le Gulf Stream. Qui est un courant chaud marin qui fait que ça ne descend pas en dessous de moins 20 degrés là où vous êtes. N'empêche, il peut y avoir des blizzards qui sont très violents. Et vous avez environ 2 heures et demie de route entre la base et Kaanak. Vous arrivez, donc vous passez la route, et effectivement sur la route... ce que vous avez dit Andrew Peterson, c'est que par endroit il y a des traces de glace qui est plutôt noirâtre, comme si on pouvait suivre la piste finalement du monstre ou de la créature qui s'était échappée. Et effectivement, la piste mène directement au village. Arrivé près du village, il y a un petit blizzard qui se met à souffler avec du grésil. Et la piste est assez vite disparaît assez vite, en tout cas devant vous, et vous arrivez à Kaanak. En arrivant, vous voyez qu'il y a beaucoup d'agitation au niveau du port qu'on appelle la baie des baleines. Il y a beaucoup de monde qui se trouve là-bas, et vous voyez un immense bateau qui tracte une baleine qui a sans doute été pêchée. Et qui est remontée, elle est morte, hein, et elle est remontée par un treuil avec une dizaine d'hommes qui sont obligés de tourner le treuil pour remonter la baleine comme ça jusque sur le port. Vous, en arrivant à Kaanak, donc vous arrivez par cette route qui mène, hein, on va dire, si j'essaye de pointer, vous êtes arrivé de par là, et donc c'est pour ça que vous êtes arrivé après. Directement par là, en voyant le port. Et donc vous arrivez dans le village, que faites-vous? Moi je dis qu'on se dirige immédiatement vers le centre communautaire, qui pour moi est sûrement le lieu où il y a le plus de personnes. Alors ouais. Là il y a beaucoup de personnes sur le port. Hein. Mais bon, ce que je vous disais, c'est que il y a une chasse à la baleine sur le port. Je fais confiance à Jonah et j'incite tout le monde à fuir. Au centre communautaire. Ouais, moi j'irais plutôt au centre communautaire, c'est genre la plus grande cible. Et s'il n'y a pas de trace là-bas, faut immédiatement revenir au port. Peut-être à l'église, il a l'air assez intéressé par l'église. Mais ça peut directement à l'église. Non, je pense que c'est bon. C'est sur le chemin, autant y aller avant d'aller à l'église. Bah parfait, on va au centre. On va au centre communautaire, puis à l'église, ça vous va? Moi, c'est ce que je pense le mieux par rapport à la prémonition. Parfait. Parce que oui, s'il y a d'abord une église. Du coup, vous traversez, vous avez sans doute laissé votre engin à l'entrée du village. Le village est petit, hein, tout peut se faire à pied très rapidement. Vous avez laissé votre engin à l'entrée, parce que c'est pas l'engin en chenille, il aura un peu de mal à aller dans toutes les petites rues, forcément. Même s'il pourrait passer par les plus grandes artères du village. Je préférerais, hein. Ouais, moi je préférerais. Tu préférerais la mitrailleuse et le lance-flamme. Oui, tout à fait. À part si tu veux démonter le lance-flamme et le garder avec. Je passe par les plus grandes artères et au pire je me rejoins. Sincèrement, je pense que c'est une connerie de l'embarquer le véhicule. Alors, c'est pas un déodorant qui va faire très mal, d'accord? Alors déjà, tu fermes ta gueule et tu mets depuis 3 secondes. Un lance-flamme. Ok, pardon. Moi, c'est rigolo, bien évidemment. C'est juste que. Hein, pour l'instant, on est dans une population qui est pas forcément au courant qu'est-ce qui se passe dans la base militaire. Il y a eu une équipe militaire qui a été à Kaanak. Oui. Ah non, ils sont. Ensuite, raid sur la bagnole. Oui, c'est pas très discret, t'as raison. L'équipe. Je pense que tout le monde panique et commence à foncer au supermarché pour acheter toutes les merdes, genre à Covid, tout ça. L'équipe militaire n'est pas allée jusqu'à Kanak, elle a juste constaté que les pistes laissées par la bête menaient à Kanak. Elle n'est pas allée jusqu'à Kanak pour une simple raison, c'est que les habitants, d'une manière générale, voient d'un très mauvais œil les Américains de la base militaire. Pas me ramener avec un véhicule super armé, alors. Si aux yeux du monde, c'est une simple centrale météorologique, pour les habitants de Kanak, il y a beaucoup de théories qui circulent concernant cette base. Et sans doute à raison, hein, vous le savez, vous, en tout cas, que c'est sans doute à raison. Et l'animosité n'est pas récente, puisqu'en fait, la population a été immigrée de force il y a plus de 100 ans. Avant, elle était sur la base de Tulé. Elle habitait là-bas. Et en fait, elle a été immigrée de force. Et donc, beaucoup d'habitants à Kanak appellent Kanak la nouvelle Tulé, d'ailleurs. Donc, ils sont pas vraiment... enfin, en tout cas, d'une manière générale. Ils sont peu méfiants vis-à-vis des Américains. Entre les bruits, la fonte des glaces qu'il y a eu, des choses comme ça... Je passe pour un Américain ou pas ? Je passerai pas par hasard pour un... Bah, peut-être, toi, Mia, qu'ils auraient moins de... C'est pour des fous, les Américains. Ils auraient en tout cas... En disant, putain, la berloque de merde, ou je sais pas quoi, là. Mais par contre, tu parles Américain, ce qui est quand même pas aidant. Tu parles Américain, ce qui est pas aidant pour des gens qui parlent... Qui parle le danois ou le groenlandais. Ok. Ils sont bilingues, hein. Ils parlent les deux langues, hein. Danois et groenlandais. Ok. Après, faut. Du coup, vous dirigez avec l'engin ou pas avec l'engin? Non, du coup, non. Alors, vous le laissez. Du coup, est-ce qu'il est. Par contre, je veux vraiment calculer le temps nécessaire que ça me prendra pour revenir à l'engin au cas où. Du centre communautaire jusqu'à à peu près au niveau du port où tu as laissé l'engin en courant, tu en aurais pour même pas un quart d'heure. Ah ouais, donc c'est un quart d'heure quand même dans la neige. Enfin, 10 minutes. Ok, c'est pas grave. Je prends quand même mes armes que je cache sous le grand manteau. C'est une petite ville. Oui, on prend tout de même nos armes. C'est la ville. Je prends mes armes et je me cache sous mon gros manteau. Enfin, c'est le village le plus au nord du monde. Il y a 800 âmes dans ce village, quoi. Donc, il n'est pas super grand. Vous pouvez le traverser très rapidement. Vous arrivez au niveau du centre communautaire, et devant le centre communautaire, sur la grande place, vous trouvez une sorte d'immense bûcher de bois. Et il y a des personnes qui sont en train de s'affairer autour. Vous voyez quelqu'un qui semble être un peu l'organisateur de tout ça, qui donne des ordres à un tel, va chercher ça. On voit qu'ils installent des tables. On dirait qu'ils préparent une sorte de... Peut-être une fête ou un truc comme ça. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'appelle Internet. Ok. Et pour vous trouver un logiciel de traduction automatique pour qu'on puisse parler danois ou groenlandais. Non, je vais pouvoir me débrouiller. Alors, dans votre groupe, Jonah est très fort en langue. Ouais. Tu connais. Je connais à peu près toutes les langues, entre autres. Le danois, ouais, bah mes origines sont européennes. J'ai déjà entendu parler des milliers de langues en tant que. Mais après, effectivement, Mia, si tu veux avoir un logiciel qui puisse traduire. Ouais, bah comme ça, je vais permettre de traduire. Internet. Ouais, tu voulais appeler Internet de toute façon. Ça se voyait que t'avais très envie d'appeler Internet. Voilà, donc j'ai appelé Internet, je fais 8, donc c'est pas fameux. Je vais même appeler l'Internet. Exactement. Non, c'est pas ça, c'est que mon ami s'appelle Quentin Internet. J'appelle l'Internet. J'appelle Internet. C'est génial. Alors, Mia, quand tu appelles. Quentin, son prénom, je vais l'appeler Valentin Internet. Alors, tu appelles Valentin. Ouais. Je regardais combien c'était assez au niveau des. Non, c'est pas dans les manœuvres, c'est dans les Mia perso. Ouais, alors Valentin, je viens de regarder donc je le fais. Valentin te dit qu'effectivement. Ouais, voilà, effectivement, il pourrait te concocter ça. Par contre, la langue groenlandaise, bon, c'est un peu compliqué. Le danois, ça sera plus facile. Il te dit que d'ici 1-2 heures, il peut t'envoyer une sorte de traducteur qui permettra à vous tous de pouvoir parler. Voilà. Ok, bah il fait ça. Dans une à deux heures, il t'enverra ça et ça vous permettra d'avoir un moyen de communiquer plus simple, en tout cas avec la population locale. Ok. Pour les autres personnes, qu'est-ce que vous faites? Le village s'anime toujours autour de ce bûcher, tout le monde installe des tables. Je vais aller voir le mec qui prend en charge tout ça. Ouais, ça c'était aussi ce que je voulais faire, du coup je vais voir s'il n'y a pas un maire, un senior, je sais pas, quelqu'un qui pourrait savoir tout ce qui se passe. Par exemple un agent de police qui veut faire des choses. Alors quand vous regardez autour de vous, effectivement, vous voyez une personne qui a l'air d'être la personne un peu organisatrice du truc. Vous voyez que c'est un peu elle qui donne les ordres, tout ça. Vous approchez, il est en train de donner un peu ses ordres, tout ça, un peu tout le monde, et il se tourne vers vous, il fait « Ah tiens, des Américains !» Donc il parle en danois, il y a juste toi, Jonah, qui comprend ce qu'il dit. Okay. Et bah du coup je vais lui répondre, alors du coup là je vais le faire en mode comme si je lui répondais, mais je connais très mal le danois, je fais « Oui, moi, compagnon, être Américain, je vais lui poser, alors, du coup ce serait plutôt... Ok, ok, je... Qu'est-ce que c'est que cela? Je parle américain. Ah, merci. Ok. Je parle américano. Je parle américain, coup, je demande, peut-être pas un très bon américain, mais je parle américain. Ok, bah j'essaie de ralentir mon rythme, alors je lui demande qu'est-ce que c'est que ça. Genre, on se pose des questions, on visite. Ah, nous organisons la fête de la nuit polaire, vous connaissez? Ah non, pas du tout. Pouvez-vous m'en parler? Eh bien, ici, nous sommes tellement au nord, tellement près du pôle nord, que ce soir, ce sera notre dernier coucher de soleil, et ensuite le soleil ne se lèvera que dans quelques mois. Il fera nuit de novembre à mars, et nous sommes le 31 octobre aujourd'hui. Mmh. Et donc, dans nos traditions... Nous fêtons cette date en l'honneur de ce soleil qui ne reviendra que dans quelques mois. C'est pourquoi vous avez dû voir d'ailleurs la baleine que nous avons pêchée. C'est une petite entrave à la règle. C'est-à-dire nous n'avons plus le droit de pêcher de baleine depuis longtemps, mais on a le droit expressément le jour de la cérémonie de la nuit polaire. Non, ne nous en faites pas, hein, je ne vais pas vous critiquer sur vos coutumes. Et de toute façon, ça m'étonnerait que les autorités viennent vers vous alors que vous êtes si loin. C'est vrai. Bon, c'est vrai qu'on en pêche de temps en temps aussi, en plus. Ouais, enfin, commence pas à me révéler trop de crimes, s'il te plaît. Genre, ils commencent à me révéler des trucs, genre, ouais, c'est vrai, ouais. Puis on pousse nos fils aussi qui sont morts, tu sais, des trucs horribles. Du coup, je vais dire, ah, d'accord. Et du coup, là, vous faites une grande fête, un grand bûcher. D'accord. C'est ça. C'est... En fait, si vous voulez, ce soir, on... Une fois qu'on a remonté la baleine jusqu'au centre communautaire, nous allons faire un grand bûcher qui symbolisera le soleil et nous danserons et fêterons la nuit polaire. Et demain, quand le bûcher s'éteindra, cela représentera le début de la nuit polaire. D'accord. Juste pour savoir, faut-il une autorisation? J'ai remarqué sur un des plans... Parce que nous sommes des chercheurs. J'ai remarqué sur un des plans de la ville... qu'il y a une église, dois-je avoir une autorisation spécifique ou peut-être pouvez-vous me conseiller sur le révérend qui fait appel, si c'est la religion bien sûr. Nous sommes tous chrétiens ici, vous savez, il se trouve que nos coutumes s'adaptent très bien à la religion chrétienne et nous allions les deux sans complexe aucun. D'ailleurs, regardez ici, il y a Tuktu, la chamane, qui discute avec Irnik, le prêtre. Et effectivement, vous voyez... Je regarde Edgar. Vous voyez la chamane du village, ouais. Pas très loin, qui discute avec le prêtre du village qui est très charismatique. Ah bah, je vois ça. Du coup je regarde Edgar et je dis pense à ce que je pense, genre tu vas voir la chamane, t'es peut-être un peu plus proche de la magie, tu veux voir l'autre, un peu plus... Ouais bah pas de soucis, j'y pense aussi. Et du coup Cassie et Mia sans donner des ordres, bien sûr. Non, mais pas sauver le shopping, putain. Mais je vous conseillerais d'aller. Est-ce que vous pouvez aller voir l'église pour checker? Ça peut être intéressant de savoir ce qui s'est passé. Check. Voilà, si ça te va, MJ, bien sûr. Non, moi tout me va, hein, tout me va. C'est-à-dire que là, tu avais demandé en fait à comment qu'il s'appelle, attends, à Nilak, tu lui avais demandé du coup si l'église était possible. T'as expliqué que la religion s'accommodait très bien avec la tradition et que l'église était ouverte à tout le monde, qu'il n'y avait pas de souci pour aller y faire un tour. Voilà, aucun souci. Du coup, Cassie, qu'est-ce que tu fais toi? Parce que du coup, je peux essayer de déterminer où est la créature. C'est encore mieux. Ouais. Par contre, si je me rate, elle sait où est notre présence. Elle prend conscience de nous. Pas très pratique, bah c'est pas grave. Tu aimerais en fait. Tu aimerais entrer dans l'esprit de la créature. C'est ça, et essayer de déterminer où elle est. Cassie. Il n'y a pas de jet de dé qui compte, il n'y a que la fiction, et en fait, Cassie a envie de se mettre en relation avec la... À l'église, du coup, avant d'y entrer, je vais essayer de déterminer où elle est. Tu t'approches de l'église... Est-ce que... Oui, pardon. Je peux lui filer un coup de main pour la magie ou pas? Est-ce que c'est une forme de magie? Ou est-ce que c'est une manœuvre spéciale? C'est une manœuvre spéciale, mais étant donné, Edgar, que c'est toi qui lui as appris à contrôler un peu ses pouvoirs, oui, peut-être par des mots pour la rassurer, parce que justement elle a toujours peur que ça dérape quand elle les utilise. Donc peut-être que tu la rassures à côté. Du coup, Edgar, tu vas lancer. Donc c'est pas protéger, c'est aider. Donner un coup de main. Donner un coup de main, très bien. Ouais. Hop, donc donner un coup de main, c'est il est juste là. T'as eu de l'écho pendant un petit moment, je sais pas ce que t'as fait. Ah. 7. Oh, réussi. Donnez un coup de main. Sur un 7, votre aide confère plus 1 à son jet, mais vous pouvez vous retrouver vous-même exposé si elle a un échec. Si elle va se transformer en la créature, on va rien comprendre. Ok. Et ben Cassie, c'est à toi. Tu es devant l'église et tu ouais. Fermes les yeux sans doute. Et comment tu fais? Le sort. Comment tu fais en fait pour essayer de... Est-ce que c'est en fermant les yeux? Est-ce que... Oui, en me concentrant, en essayant d'être dans une sorte de transe, on va dire. Donc je ferme les yeux, je respire et... Heureusement, Edgar est à côté de toi et, ouais, et te soutient. Et te soutient. Et effectivement, tu as... Tu prends, c'est comme si comme une sorte de voyage astral, tu vois. C'est comme si tu sortais de ton corps et que tu arrivais. En fait, tu es la bête. C'est comme si tu étais dans la bête. Ah, ce que je vois en première personne. Et quelle est la question que tu veux que tu te poses du coup? Parce que tu as plusieurs questions à poser et avec un 7, tu peux en poser une. Où se trouve la créature en ce moment même? En voyant par ses yeux, tu vois qu'elle est dans l'ombre. Elle est dans l'ombre dans un endroit où il fait très froid. Et ça nous aide. Et tu vois. Tu as l'impression, en tout cas, de voir au loin peut-être le village de Kaanaak. En tout cas, ça y ressemble. Tu vois à travers ses yeux. Elle est vraiment pas loin. Elle doit être peut-être à 100, 200 mètres du village. Peut-être dans une grotte. Peut-être. Tu ne sais pas trop. Il fait assez noir, en fait, l'endroit où elle est. Et tu ressens aussi autre chose. Tu ressens comme si elle avait faim. Enfin, tu as faim toi-même, en fait. Tu ressens de la faim. Tu ressens de la faim et... Et en fait, c'est comme si c'était une faim qui montait. Et puis, pouf, tu reviens dans ton corps. pendant ce temps, Edgar, tu étais en train d'aider Cassie. Mia, tu as fait quoi? Du coup, après avoir fait des petits pas de sécurité pour éviter de me faire exploser si jamais elle explose, je fais des petits allers-retours gauche-droite. Est-ce que je peux pas faire un merde? Tu voudrais évaluer une situation peut-être? Ouais, évaluer une situation pour. En fait, je voulais savoir en fait c'est comment je peux faire pour voir s'il n'y a pas eu des empreintes autour de l'église, savoir si après monsieur qu'elle a eu ça s'est déjà passé ou ça va se passer. Genre, si alors, y a eu des pattes, on sait pas que tu. Tu cherches, en fait, tu tournes autour de l'église et tu cherches d'éventuelles empreintes ou des choses comme ça. C'est ça. Donc, on est plus sur enquêter sur un mystère. Ouais. Ouais, plutôt ça, je pense. Mm. Et bah, du coup, j'enquête sur un mystère. Vas-y. 12. Popo, tu peux me poser 3 questions. Deux, non. Attends. Enquêter sur un mystère, deux, réserve 2. Réserve 2. Mais t'as dit qu'on pouvait les trucs en réserve, on pouvait les garder au cas où. C'est ça, tu pourras les garder pour plus tard si okay, tu veux. Ok, parce que moi, tout ce que je voulais savoir, c'était au niveau des empreintes. Donc, comme ça, au moins. Pose ta question. Du coup, ta question, ça serait. Est-ce qu'il y a une trace. Ouais, y a-t-il quelque chose que je sais pas ici, entre parenthèses, des empreintes. Ouais, d'accord. Tu ne vois. Vraiment, y a pas grand chose. Tu vois aucune empreinte. Autour de l'église. Okay, donc c'est-à-dire que ça va. Y a rien. Si jamais à nous tout pas sur l'autre choix. Y a rien pour l'instant. Ouais. Sachant que moi, alors moi je tiens juste à dire, je ne suis pas là. Hein. Je vois pas ce qui se passe. Je suis toujours au truc communautaire. Pendant ce temps, Jonah, toi tu es resté au truc au centre communautaire. Oui. Moi du coup, et qu'as-tu fait? J'ai été parler à Toutou et à Ernick. Enfin du coup, je vais aller leur parler. Donc du coup, tu t'approches de Toutou par exemple en premier peut-être? Ou de... J'aimerais bien parler aux deux vu que les deux étaient en train de parler. C'est vrai, ils étaient en train de parler. Tu les interromps? Et du coup, les interromps mais très doucement. Et alors du coup, ce que je voudrais dire à Toutou, je ne sais pas comment vraiment le chamanisme marche ici. Mais du coup, peut-être me présenter avec une politesse comme ancien ou genre. J'estime que les anciens sont les membres importants, genre les chamans, tu vois. Et ensuite, oui, de dire mon père à Ernick, histoire de tout de suite, pas me les mettre dans la poche, mais qu'il soit un peu plus heureux de me voir, quoi. Parce que je sais qu'ils aiment pas les étrangers. D'accord. Et être respectueux. Je suis respectueux. Ouais, donc très très respectueux. Quelle question éventuellement tu alors, poses coup, à... Je vais en demander. Bonjour. Voilà, j'aimerais savoir. Je suppose que vous connaissez bien la région. J'aimerais avoir plus d'informations sur les rites effectués pendant la fête du lunaire. Alors Touktou te répond en première. Tu sens que même si Irnik est très charismatique, elle a quand même une aura un peu plus grande quelque part, tu vois. Elle a l'air très bienveillante, elle se déplace avec grande facilité, elle semble dégager une magie assez puissante. Et elle te dit qu'elle connaît bien elle connaît bien le monde des esprits et que la fête de la nuit polaire est, dans les traditions inuites, la fête la plus importante de l'année. Et que c'est une fête où le monde des esprits et le monde des vivants est le plus proche. C'est comme si le voile qui les séparait était beaucoup plus fin à ce moment-là, en tout cas de l'année. Et que c'est un moment où justement on doit faire une fête en sacrifiant une baleine, et une partie de la baleine d'ailleurs sera laissée aux esprits et envoyée dans le bûcher pendant cette fête. Et pendant cette fête, il y aura des danses, des chants traditionnels, et elle racontera des légendes sur les esprits, sur les traditions inuites. Irnik intervient ensuite en te disant un peu la même chose qu'elle dans le sens, mais encore peut-être disons qu'il est aussi ouvert qu'elle dans le sens que les deux choses peuvent aller ensemble, à la fois la mythologie inuite et la religion chrétienne. Et il te dit ce qui tombe vachement bien, c'est que la Toussaint c'est aujourd'hui aussi. Nous ferons donc une pierre de coup et nous irons célébrer une petite messe à l'église pendant la grande fête de la nuit polaire afin de célébrer nos morts de tout le village. Nous voyons bien que dans toutes les religions, il y a des points communs et nous sommes heureux de vivre dans une communauté soudée comme la nôtre. Et vous faites la petite fête après ou pendant ? Bah, disons que tout le monde ne va pas à l'église assidûment, mais ceux qui voudront me suivre pourront participer à une petite cérémonie en l'honneur de la Toussaint. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, là, je me tourne vers Toutou et je lui glisse des mots. Parce que du coup, je suppose qu'il parlait américain vaguement. Alors, les deux là, non. Toutou et Yannick, t'as réussi à communiquer, mais il parlait pas américain. C'est le chef du village. Et bien plus bienveillant et bien plus accueillant, et c'est lui qui. Ils sont gentils, ouais, je sais pas le Canada ici. Qui parle américain. Les deux autres sont un tout petit peu moins accueillants. Ouais. Enfin, c'est vraiment le chef qui a ce côté très accueillant dans le village. Cet homme voilà. Est parfait. Et du coup, j'aimerais bien parler à Tuktu un peu en. Tu vois que Tuktu est quand même est super impliqué dans l'organisation de la fête, et pour l'instant, en tout cas, tu ne peux pas trop... Tu peux pas essayer de... Alors, peut-être, mais on va passer à quelqu'un d'autre. Edgar ? Ouais ? Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier, là, sur cette scène ? Alors, donc, suite à ce qu'on a fait avec Cassie, je voudrais voir Tuktu, justement, est-ce que je peux m'entretenir avec elle par rapport aux esprits, parce que c'est une chamane, donc Cassie connaît beaucoup, et surtout ce qu'elle a dit à Jonah. Talisman. Et je voudrais voilà, lui demander ce qu'elle sait, est-ce que c'est quelque chose par rapport au portail, est-ce qu'elle a vu ou ressenti des choses ces derniers temps. Tu t'approches donc de Tuktu et tu lui demandes quoi exactement ? Est-ce que tu peux préciser ta question ? Parce que t'as mis beaucoup de choses dedans, le portail, est-ce qu'elle a vu des choses ? J'aimerais que tu précises un peu plus la question que tu veux lui poser. Ouais, déjà, est-ce qu'elle connaît peut-être le monde des esprits ? Avec le portail, justement ? Alors, rajoutes le portail après. Ouais, non, c'est pour ça, c'est ça qui dérange chez ce portail, parce que si elle est au courant du portail, c'est-à-dire qu'elle est au courant des esprits, tu vois. Alors, elle te dit qu'elle connaît effectivement le monde des esprits et qu'elle ne porte pas dans son cœur ceux qui, il y a fort longtemps, les ont chassés de l'ancienne Tulé. Mais semble, en tout cas, elle pose pas le mot portail à un moment donné, quoi. Après, vous avez quand même du mal à discuter. Mia, tu viens de recevoir ton traducteur, ce qui a permis à Edgar d'avoir une petite discussion avec Tuktu. C'est bon, c'est pas pour moi. Mais tu l'as, il est pour tout le monde après, hein. Enfin, partager ça via les applications sur téléphone, etc. Voilà, niveau portail, en tout cas, elle prononce pas ces mots-là. Elle te dit qu'elle connaît effectivement, oui, le monde des esprits. De fait, elle est chamane du village, donc tout chamane a dû au moins une fois traverser le voile, te dit-elle. Et du coup, je lui demandais, c'est quoi ce voile ? Le voile, c'est ce qui sépare le monde de l'au-delà des esprits du monde des vivants, bien sûr. D'accord. Mais du coup, moi, je vous demande si vous pouvez m'expliquer ce que vous avez vu à l'église, que je sache. Cassie, je suppose que tu me fais un résumé. Ouais. Okay. Parce que là, du coup, on est tous avec Tuktu là, Mathieu. Tuktu, il est en plein préparatif quand même. Ils sont assez occupés, c'est-à-dire qu'ils vous ont donné un peu de votre de temps, mais ils sont quand même en plein préparatif. Là, d'ailleurs, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train de remonter des morceaux de baleine débités, parce que ça fait plusieurs tonnes, donc ils sont obligés de le débiter et ils le remontent. Je peux les aider ou pas ? Ils remontent le long de la grande avenue du port jusqu'au centre communautaire les gros morceaux de baleine qui serviront au festin du soir. Et d'ailleurs, le soir approche à grands pas. Il doit être presque 18h, à ce moment-là. Ok. Est-ce que je peux leur proposer mon aide, s'ils acceptent, pour aider à transporter quelques trucs? Tu vois que les personnes qui... ils sont peut-être pas... À qui tu proposes de l'aide, te regardent d'un air un peu méfiant et te disent qu'ils sont... Ils sont assez nombreux et qu'ils n'ont pas besoin de toi, encore moins d'Erika. Il y a quelques remarques, entre guillemets, racistes, ouais. En tout cas, enfin, méfiantes envers les Américains, un peu xénophobes, qui fusent hein, de temps en temps hein, dans la population, et tu sens que tu n'es pas forcément le bienvenu pour les aider à ce moment-là. Ok, très bien. Bah, du coup, je remercie poliment de m'avoir écouté. Je peux réunir le... Enfin, est-ce qu'on peut tous se réunir en groupe? Si vous voulez. Peut-être. Il y a un truc qui m'interroge, c'est qu'ils vont faire une petite fête à l'église pendant le banquet, enfin pendant la fête, et selon tes visions, Cassie, ça risque d'être le moment où la créature se nourrit. Et tu m'as dit qu'il n'était pas très loin. Lorsque je l'ai localisé, j'ai eu très faim, donc je suppose que... Ouais, un bon faim. Petit banquet, ça va lui faire du bien. Ok, donc... Voilà. Bah, en fait, deux endroits, il peut attaquer à deux endroits, il peut attaquer à la fête parce que t'as les restes de baleine et des êtres humains. Ouais, mais il a l'air de se nourrir d'être humain. Il y a nos corps. Il a l'air de se nourrir d'être vivant. S'il fait nuit, c'est là où il y a le feu, justement, je pense qu'elle viendra, c'est là où il y a des gens. Bah, ouais, mais en fait, t'as eu une. Moi, je parle plutôt par rapport à ta vision, par rapport à l'église. Je prends plus en compte, je te fais confiance sur tes visions, parce que je connais pas du tout la magie, je fais confiance à la magie. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais du coup je me dis voilà, c'est assez étrange. Et le feu, ouais, mais elle peut en avoir peur parfois, je pense. C'est donc ça serait plutôt à l'église, étant donné que dans ma vision c'était plus qu'une ombre, donc pas éclairée. Ouais, et voilà, c'est moins plus des cadavres comme potes. Alors que vous êtes alors que vous êtes en train de discuter, il y a un homme qui s'approche de vous qui a l'air assez bourru. Ouais. Et il a pas un air très avenant. Ouais. Garde pour toi. Il vous dit qu'il s'appelle Massac et qu'il est le policier de Kaanaak, le seul policier de Kaanaak. Ah. Et il vous demande qu'est-ce que vous faites ici. Je le présente. Nous sommes une équipe de chercheurs et nous faisons des recherches sur les traditions et les choses étranges de ce village. Les choses étranges ? Non, vous devriez aller voir la base... Taisez-vous. Vous devriez aller voir la base, là, plus loin, à 200 km. C'est là-bas qu'il se passe des choses étranges. Les Américains n'ont rien à faire ici. Eh bien, écoutez... si vous voulez... Merde. Merde, il répond juste merde. Il nous parle en suédois ou il nous parle en américain? C'est un mélange de danois et d'américain. Donc on comprend juste toi tu fermes, toi américain, toi base. Okay. Ça, c'est ça, ouais. Vous sentez qu'il déteste les Américains et, et il a une. Il dégage une forte odeur d'alcool aussi quand même. Ah, ça aide pas. Ça s'entend qu'il nous déteste, quoi. Aïe. On se barre, on retourne vite fait au véhicule, et on va aller à l'hôtel, histoire de faire semblant qu'on se prend un hôtel, et ici, on nous surveille, c'est pas grave. On va récupérer le matériel, j'espère qu'on a pris du matériel de surveillance, d'enregistrement, pour voir les actions, si on peut capter les actions du monstre. Ouais. Moi, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller voir Nilak, et je vais lui demander l'autorisation d'assister à la fête. Bonne idée. Tu prends de nous avec toi. Hop, viens, tu vas avec lui. Vous n'êtes pas les bienvenus au village, vous dit Massac. On le tu sais, on le laisse, genre nous on repart vers l'hôtel et puis on fait Il vous voit partir vers l'hôtel il vous voit avancer vers l'hôtel et vous voyez qu'il continue à vous regarder longtemps avant de passer à autre chose. Avec un air vraiment d'un gars pas cool, quoi, et qui vous aime pas. Je le balance direct à la créature s'il faut, hein, d'accord. On retient ça, c'est le premier à balancer. Oh mince. En passant En allant vers l'hôtel, vous apercevez le bûcher qui commence à prendre feu puisque la nuit commence à arriver. Vous arrivez à l'hôtel. Vous arrivez à l'hôtel. Donc lui, on va le mettre sur le côté pour l'instant. Il est pas vraiment là. Vous arrivez à l'hôtel et vous rencontrez la personne qui gère l'hôtel. C'est Oh, enchanté. C'est une femme. Jonah lui a tapé dans l'œil directement. Oui, elle m'a tapé dans l'œil, là je suis. Enchanté, Jonah Cosper. Bah quoi, je suis le seul ordinaire parmi vous tous, là, vous faites tous flipper. Y'a que moi qui peux avoir une vie amoureuse normale. Alors voilà. Toi. Oh non. Range ton putain. Oui, bon, c'est bon, MeToo là. C'est bon, hashtag MeToo, mais ça va. Tu es pas là pour faire bachelor. C'est bon. Donc, vous arrivez dans l'hôtel, elle se présente, elle vous dit enchanté, je m'appelle Noja. Noja Touk. Vous voyez que c'est une femme qui a un regard dur, indiquant qu'elle n'a pas eu sans doute une vie de tout repos. Mais malgré cela, elle dégage un charme particulier, singulier, attirant, un charme guerrier un peu. Ah bah je suis tombé sous le charme immédiatement. Ouais, et donc elle vous dit, vous savez, il n'y a pas beaucoup de clients ce temps-ci, vous désirez une chambre? Oui, bien sûr. Ok, ouais. Bah, très bien. Donc elle... Oui. Toutes vos chambres ont le chauffage ou pas? Oui, évidemment. En tout cas, on allume le chauffage quand il y a un client. Il y a très peu de touristes qui passent, quelquefois quelques scientifiques, quelques touristes un peu originaux, mais on allume le chauffage quand il y a des personnes qui viennent. Non, mais ne vous en faites pas, vous êtes tout le chauffage qu'il me faut. elle te regarde de haut en bas. Jonah, t'as l'impression qu'elle goûte pas trop à tes tentatives de drague, en tout cas. Putain. C'est pas grave, j'abandonnerai pas. D'accord. Vous m'entendez? C'est compris. C'est compris. Bon, donc, de toute façon, j'ai une mission à faire, mais ça fait chier. Je vais aller voir Nilak. Je laisse les autres choisir avant. Donc, elle vous indique une chambre dans laquelle vous pouvez vous installer. Oui, qu'est-ce que vous voulez faire? Je peux interloper Edgar pendant qu'on est en train de regarder dans les chambres et tout comme ça. Alors, tu vas pas l'interloper, mais l'interpeller, si tu préfères. Interloper Nilak, vous voulez. Et qu'on devient dans la gueule, donc soit. Pas de soucis, interlope Edgar. Interlope Edgar, du coup, je lui demande. Je lui dis concrètement, on sait comme quoi, d'après ce qu'a dit Cassie, que la bête est enfermée quelque part où il fait froid, assez sombre. S'ils mettent pas le chauffage dans l'hôtel, dans les chambres où il y a personne. Qui dit qu'elle est pas dans une des chambres de l'hôtel et qu'elle est déjà là. Parce que d'après ce qu'on a vu sur le chemin, c'est vraiment plat en fait, il n'y a pas de grotte. Oh. D'accord. Je suis comme ça aussi vite, pardon. Tu dis ça à Edgar? Parce que. On ne nous relate pas l'information du coup. Non, mais parce que, un, Jonah, je le déteste. Deux, okay, cool. Cassie, j'ai pas confiance et elle me fait peur parce que je sais pas qu'elle a fait quoi que ce soit, j'ai peur qu'elle explose. Mm-hmm. Et Edgar, je comprends. Yes. En fait, je suis parano, moi, là-bas. Edgar, tu es vraiment le papa du groupe. Ah non, mais Edgar, c'est... Edgar. Edgar, ouais, du coup, tu... Edgar, tu réponds quoi par rapport à ce que... Parce que... Parce que... À ce que Mia te... Donc, voilà. Te donc, fait part. Je te témoigne ça, et... Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que c'est étrange, mais... Comme je suis dans la même pièce et que j'entends... Je m'approche pour lui dire que la bête, je voyais le village de loin, donc elle n'est pas dans l'hôtel. Dans la fenêtre, tu vois pas le village? Elle voyait le village de loin, donc elle n'est pas dans le village en tout cas. Enfin, moi, je l'ai pas entendu. Un peu comme la photo qu'on a là. Un peu comme la photo, voilà. Ouais. Sur ces entrefaits, il est aux alentours de 21h. Est-ce que vous avez pris vos équipements? Est-ce que vous êtes passé par l'engin déjà? Alors moi du coup ouais, j'ai été chercher l'engin et je l'ai garé près de l'hôtel pour que le groupe puisse y accéder parce que je sais pas ce que vous faites vous après mais moi du coup je vais forcément aller voir Nilak La fête commence à battre son plein au niveau du centre communautaire. Il est 21h et la quasi-totalité du village... D'ailleurs, Noja vient vous voir dans la chambre, enfin, toque à votre porte et vous dit qu'elle doit se rendre, elle aussi, à la fête, comme un peu tous les habitants du village, hein, parce que c'est quand même quelque chose de voilà, très ritualisé tous les ans. Je peux l'accompagner. Je fais, excusez-moi, est-ce que je peux vous... Oui, bien sûr. Après, je vous conseillerais d'éviter Massacre. Massacre, c'est le policier, oui. Et c'est un peu aussi l'alcoolique notoire de notre communauté. Ici. D'accord. Non, mais il faut que je parle à Nilak de toute façon, et j'aimerais aussi... Bon, en même temps, il fait nuit. Hein. Ouais. Venez, venez. Est-ce que les autres vous suivez et vous partez à la fête? Du coup, il y avait Mia qui était censée être envoyée avec... avec Jonah. Ouais, voir Nilak. Et Edgar, si je peux te conseiller un dernier truc avant de partir, c'est... Du coup, prends le véhicule, s'il n'y a plus personne, rapproche-le très vite du centre communautaire. Genre cache-le un peu dans une espèce de petite façon, le matériel de surveillance est dedans, donc je vais rester dedans avec Cassie. Okay, donc... On vous assure oreillette. Cassie, Edgar, donc vous prenez l'engin et... Bah, vu que les rues sont désertes, tout le monde est sur le centre communautaire, vous arrivez à vous approcher assez près du centre communautaire, en restant dans l'ombre, hein, bien sûr. Et vous voyez ce grand bûcher au niveau du centre communautaire, et vous êtes à côté, et vous commencez à installer donc vos engins de surveillance, c'est ça? Des caméras, des... Ouais, c'est ça, tout ce genre de choses, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux développer, peut-être? Parce que là, c'est moi qui ai balancé, mais peut-être que tu peux développer d'autres choses sur... J'ai aussi également un ordinateur, par exemple. Un quoi, pardon, ça a coupé. Des capteurs. Ah. Des capteurs de mouvement, soit des capteurs de chaleur, soit des capteurs peut-être parce que maintenant qu'on sait que c'est on sait que c'est une sorte d'esprit, qu'on a du matériel pour peut-être des capteurs pour détecter ce genre de mouvement. Ok, très ouais. Bien. Si Cassie, tu as des idées également, vas-y. Pour les installer, savoir si on peut en mettre qui vise également l'église. Ainsi que le centre entre les deux, genre là. Ouais. Donc pendant que Cassie et Edgar, vous êtes en train d'installer des capteurs du coup de chaleur plutôt, alors? Ouais, par exemple. Capteurs de chaleur avec peut-être petite vidéo de surveillance que vous pourriez... C'est sûr. Capteurs de chaleur et de mouvement. Alors que vous êtes en train de... Alors que vous êtes en train... Par l'odeur de la bouffe. Ah oui, on va les regarder. Vous êtes en train d'installer les capteurs, et pendant ce temps, Jonah, Mia et vous êtes accompagnés par Noja qui vous amène au centre communautaire. Là-bas, la fête bat son plein. Il y a des danses, des chants, et la chamane raconte. L'histoire d'un esprit dévoreur d'hommes qui s'appellerait un Hachem et qui serait sorti parfois les jours où la nuit polaire commencerait. Vous remarquez Mia et Jonah, enfin vous sentez en tout cas une odeur de cadavre. Autour du feu, tout va bien, mais il fait un peu plus froid. Enfin, c'est comme s'il y avait un froid qui était là, et une odeur effectivement de putréfaction qui vous prend les narines. Les autres personnes n'ont pas l'air de s'en rendre compte. Après, ils sont peut-être un peu alcoolisés. Ils font la fête, ils dansent. Comment c'est quoi? C'est Nojo? Noja. Noja. Noja, est-ce qu'elle le sent aussi, vu qu'elle a pas commencé la fête, elle est avec nous? Parce que moi, dans tous les cas, je vais agir. Je vais directement là-bas. Je suis mon odorat et... Alors, je vais vers l'odeur de putréfaction, immédiatement. Tu en fais part à Noja? Non. Je lui dis, excusez-moi, faut que je me sépare de petites secondes. Mais d'accord. Voilà mon adresse. Il faut savoir que les baleines... entre en putréfaction très rapidement après être pêché, ce qui fait que les habitants là-bas ont peut-être pas, se sont pas rendus compte que l'odeur était peut-être un peu plus forte qu'à l'accoutumée. Mais du coup là je fonce, parce que moi je sais pas ça, donc immédiatement je vais voir. Tu t'éloignes du bûcher, et ouais. tu vas essayer de voir d'où ça vient, mais c'est un peu comme... Il n'y a pas une direction particulière en fait. Il y a une odeur qui est prégnante tout autour de toi. Une odeur de cadavre. Edgar et Cassie, alors que vous êtes en train d'installer vos capteurs, vous avez quasi fini et vous rapprochez de l'engin. Là, ils sont tous. De l'engin qui est un peu caché à côté de la fête du centre communautaire. Vous aussi, vous remarquez que le froid se fait plus prégnant et qu'une odeur de putréfaction envahit vos narines. Il y a quelque chose qui est similaire avec ce que vous avez vu à la base et ce que vous avez senti à la base. Et donc, voilà. Vous en êtes là. Bon, moi, je vais reconnaître tous les signes d'un désastre imminent que j'avais déjà vécu. Ouais. Et du coup, je vais presser... Je vais presser Cassie, j'ai allumé l'oreillette et je vais contacter Jonah et Mia leur disant que ça arrive. Ok, bah je dis immédiatement que j'ai repéré une odeur de putréfaction, je me dirige sur le lieu, je suis armé, je ne serais pas attiré, j'ai pas de silencieux en plus. Et moi je dis, je sais pas si vous avez déjà goûté la baleine, c'est excellent en fait. Et l'autre qui est avec un morceau de baleine dans la bouche. Peut-être un l'autre qui est bourré en train de faire la fête avec et, les autres. Et une sorte de vodka inuit dans l'autre main, dans la main. Ouais, c'est genre, attendez, vous avez un problème. Tu sais, elle est paranoïaque, mais dès qu'elle est alcoolisée, elle est plus du tout. C'est le flic dernier épisode avec son donut, ça cloche, mais ça me dégoûte. Ouais, j'y ai pensé. Du coup, ouais, Mia, ça serait bien que tu te déplaces vers le... je pense, Mia, c'est un peu la pro de la technologie, on est d'accord? Ouais. Ouais, vite fait, je suis d'internet. Ouais. Elle peut l'appeler. Après, elle sait surtout repérer le mensonge chez les gens. Après, effectivement, elle est aussi pro en technologie, mais vous avez tous des... vous êtes tous des badass, hein. Faire n'importe quoi aussi, ça c'est le détail. Bon. Du coup, il va falloir absolument se mettre sur la... dans le véhicule pour surveiller. D'accord. Je propose de relancer mon pouvoir encore une fois... avec la même manip, pour pouvoir rentrer en communication en fait. T'es sûr que tu es capable de faire ça Edgar, est-ce que... Quoi qu'il en soit, la bête va s'approcher, donc qu'elle détecte ses enfants. Tu as une réserve de 1. Attends, manœuvre, enquêter sur un mystère. Qu'est-ce que je veux faire? Que s'est-il passé? De quel genre de créature génétique tu sais-t-elle faire? À quoi est-elle vulnérable? Où est-elle partie? Que voulait-elle faire? Y a-t-il quelque chose de caché par ici? Il y a quelque chose de caché par ici? Ouais, oui, t'as une réserve de 1, et donc il faut que tu m'expliques quand même que là t'es encore en train d'enquêter. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire, Mia? Bah, tu regardes autour de toi. Bah, en fait, c'est que tout le monde est parti gauche à droite, et j'ai fait. Bon, bah je vais me mettre sur le terrain et j'ai jamais goûté la baleine. Je connais que le sel, pardon. C'est pas facile. Du coup, je suis en train, au milieu de la fête, savoir s'il n'y a pas quelque chose qui commence à péter, à poser une durite ou je sais pas quoi. Et donc ta question en fait, c'est... J'ai des traits asiatiques, en fait, je me... Tu te fonds bien dans la masse, ouais. Voilà, et donc ta question c'est, y a-t-il quelque chose de caché par ici? Voilà, savoir, est-ce qu'il est vraiment caché autour de moi, ou enfin, est-ce qu'il y a... dans le sens, entre parenthèses... Autour du feu, tu ne vois rien, en tout cas, qui met tes sens en alerte. Et pourtant, tu as les sens en alerte assez développés en termes de warning paranoïaque. Ouais, mais par contre, t'as l'impression que dès qu'on s'éloigne du feu, dès qu'on arrive dans l'ombre, dans le reste, enfin un peu plus loin, tu as l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose de caché par ici. Il y a quelque chose qui... Alors, est-ce là que où ça... je me suis dirigé ? Est-ce que ça tourne ? Ben, il me semble, Jonah, Edgar et Cassie, que vous êtes au niveau de l'engin maintenant. Assez non, dans l'ombre et à côté. Alors, immédiatement là où était l'odeur de putréfaction. Non, je t'ai expliqué que l'odeur de putréfaction était présente partout. Tu n'arrives pas à déterminer un endroit. Tu n'arrives pas à déterminer un endroit précis d'où elle vient, cette odeur. Elle est là. Je peux écouter le discours de la grand-mère ? enfin de la chamane. Effectivement, tu entends ce discours sur les Atsen. Et toi, Mia, donc tu es toujours alors Jonah autour du feu. Hein. Et toi, Mia, tu remarques effectivement, ça fait des warnings au niveau de ta paranoïa. Tu sais qu'il y a quelque chose de caché dans l'ombre autour de vous, qui ne s'approche, enfin qui est pas là pour l'instant, pas autour du feu en tout cas, et pas là où il y a la lumière, mais plutôt dans l'ombre. Pendant ce temps, Edgar et Cassie, donc tu essayes de replonger dans tes pouvoirs pour essayer de te mettre à la place du monstre. Edgar, je présume que tu veux peut-être l'aider une nouvelle fois dans cette démarche. Ouais, c'est exactement ce que j'avais en tête. Ok, ben du coup, donner un coup de main. Okay. Et du coup, on coupera à ce moment-là quand on a la révélation. Bah, parce que du coup, si on commence un truc. À l'écoute, 9, du coup. C'est ça, hein, t'as fait, Edgar, t'as fait 8 sur... Ouais, j'ai fait 8, donc ça fait plus 1. Plus 1, ok. Et donc ça te fait 9 pour toi, Cassie. Cassie, j'ai pas le truc sous les yeux pour toi. Ah si, donc tu peux... j'ai une réserve. Tu peux poser une question maintenant, ou la garder, peut-être maintenant, hein, si tu veux, ouais. La musique met bien ambiance en plus. Ouais. Oh merde, oui, je suis con. C'est bien ce qui me semblait, je me suis dit putain, c'est vachement calme, j'entends que les grillons. En fait, j'ai enlevé le casque, mais j'ai oublié de mettre la musique. Allez, hey, stop. Stop. Vas-y, Cassie. J'aime pas beaucoup ça. Ouais. Qui sera la cible de sa prochaine attaque? Et là, on va avoir un gros plan sur Mia, droit devant, tu sais. Avec l'alcool dans la main. Ouais, tu sais, genre pourri, genre ah merde. Donc j'essaie de. Tu. De voir ce qu'elle vise comme prochaine attaque, du coup. Pendant que tu arrives à pénétrer l'esprit de la créature, il y a le prêtre Irnik qui invite ses plus fidèles. À rejoindre une petite procession jusqu'à l'église. Et toi, à l'intérieur de cette créature, tu vois qu'elle suit du regard les fidèles du prêtre et qui se dirige vers l'église. Et tu sens cet appétit encore plus fort qui monte en toi. Qui grandit, et le prêtre commence à rentrer dans l'église et ses fidèles commencent à le suivre. Alors il reste encore plein de monde au niveau du centre communautaire autour du bûcher, mais on va dire qu'il y a une vingtaine de personnes qui ont suivi le prêtre pour assister à une petite messe de Toussaint à l'intérieur. Et tu vois cette créature qui est dans la peau de la créature, tu vois que voilà, cet appétit grandit en direction de l'église. Et puis tu reviens à toi. Ouais. Est-ce que pas ? Du coup, je me tourne vers Edgar et je me dis. En disant, il y a le groupe du prêtre qui est parti à l'église. Est-ce que je peux le dire ? Ouais, est-ce que par réflexe, je les ai suivis en ayant demandé à Arnick étant enfin. Alors, deux minutes, on va finir Cassie et après c'est à vous. Ok. Ok, je me tourne vers Edgar et en parlant dans l'oreillette également, je leur signale que je suis à nouveau rentrée en résonance avec la bête et que je sens qu'elle suit le convoi qui va vers l'église et qu'elle a de plus en plus faim. Et je sors en même temps des pommes potes de mon sac. Ok. Ça n'aide pas. Ça y est, Mia. Tu voulais annoncer que. Je voulais juste dire, vu que je suis en plein milieu de la fête, dire j'ai le groupe du prêtre qui part à l'église. Simplement dire ça. Ok. Donc, ça. Ça sert à quelque chose à part beurrer la gueule. Enfin, non, je ne peux pas beurrer la gueule, juste manger du label. Dans l'oreillette, ça ressort aussi. Du coup, vous avez les mêmes infos. Jonah, toi, tu suis le groupe qui va vers l'église. Ce que j'aimerais bien faire avant, c'est aller voir Noja. Ouais. Et lui dire immédiatement, bon, je sais pas si vous allez me croire, et de toute façon j'en sais rien, mais je pense qu'il y a, par l'étude de vos coutumes, un hatchet. Il faut immédiatement que vous commenciez à rassembler le plus de personnes et que vous fassiez le plus attention. Je veux bien un test de manipulation avec moins 2, c'est possible. Noja te regarde et te dit je vous crois. Ça peut sembler incroyable, mais je vous crois. Par contre, je n'ai aucune capacité d'influence sur toutes ces personnes qui font la fête. Nous sommes sur la fête la plus importante de la communauté. Je ne pourrais pas. Restez près du feu et je me barre. Très bien. Restez le plus près du feu possible et ne laissez personne partir, même Mossack. Tu vas vers l'église, tous les. Avec Mia, bah j'aime pas de Mia. Mia, tu y vas aussi? Allez, c'est bien fou. J'ai mon déodorant, ça va péter les gueules. Mia, tu arrives et. Vous arrivez presque devant l'église. Il fait. J'ai un écho, je sais pas chez qui. C'est qu'en fait j'ai le micro qui est orienté vers les enceintes, pardon. D'accord. Alors. Et ça continue. Putain, c'est ça. En fait, c'est le boum boum boum en fait. Deux secondes, je baisse la musique. Voilà, il n'y a plus l'écho. Vous dirigez vers l'église. Edgar et Cassie, est-ce que vous faites de même? Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Je vais me diriger également vers l'église. Et moi je suis. Je signale aux écouteurs, à l'oreillette, pardon, qu'il faudrait quand même que quelqu'un reste dans le coin pour vérifier que la bête ne change pas le style en nous voyant. Là, à la rigueur, je reste dans la voiture et je vérifie tous les capteurs. Cassie, dans la voiture, en regardant sur les capteurs, tu vois que les capteurs s'alarment sur l'arrière de l'église. C'est-à-dire, on va dire que ça arrive par l'est. Je vois, ouais. Par l'est. Alors là, je cache peut-être un peu l'église. Non, c'est bon. Aussi, ouais. Ouais, ça arrive par l'est, par là. Donc là, les capteurs se sont mis à clignoter. Tous les fidèles sont rentrés, la messe a commencé. Jonah et Mia, vous allez vous retrouver Edgar. Edgar, tu les rejoins et vous allez rentrer dans l'église. Vous commencez à entendre des cris à l'intérieur de l'église. Bon, bah, regarde les portes, on fout le feu. Hein. Juste en entendant les cris, je demande à Cassie de ramener l'engin et de venir nous filer un coup de main. Est-ce que vous entrez dans l'église? Ouais, moi je rentre d'un coup, tous en haut. Avec la voiture dans l'église. Ouais, bam, tu passes par le mur. Est-ce qu'on peut faire une galipette en rentrant dans l'église, histoire d'avoir l'air encore plus classe? Parce que tu peux genre sauter, défoncer la porte avec un coup de coude et t'as Mia qui saute au-dessus de moi avec un salto en combinaison. Vous voulez faire une entrée dans l'église spectaculaire, c'est ça? Non, je veux juste rentrer, pousser et sortir mon arme de mon manteau. Genre, tu sais, je me trouve mon manteau, il vole sur le côté et je suis. Avec ma M16, ou mon fusil d'assaut. Ok, il y a un froid qui est intense, une odeur de putréfaction qui est très forte. Tu vas donc agir sous pression, s'il te plaît. Ok. J'ai l'impression. Ouf. Oh. Je me pète la gueule, j'arrive pas à ouvrir la fenêtre. Bam. Je me pète l'épaule. Tu rentres le premier dans l'église et là tu as une vision d'horreur. Tu vois 5-6 cadavres par terre dans un état comme les autres que vous avez pu voir avant, c'est-à-dire momifiés. Tu vois une sorte... L'église est dans la pénombre la plus totale. Il y a juste le prêtre devant l'autel avec une sorte de gros cierge allumé par un petit feu. Et tu vois l'ombre qui est en train de faire un carnage parmi les personnes autour de toi. Elle s'approche de toi. C'est une ombre... T'as du mal à déterminer exactement ce que c'est, en fait. Ça pourrait ressembler à ça. Ça pourrait. Ça pourrait ressembler à ça. C'est presque humain, qui s'approche de toi et qui te fait avec une voix gutturale, en plongeant sa main au niveau de ton cœur, qui te dit « Sors de là, impie !» Et elle te pousse au dehors, tu as le cœur gelé, tu prends 2 de dégâts. Alors le cœur est pas complètement gelé, mais disons qu'elle a... Tu as senti que ça a ralenti énormément ton rythme cardiaque. Putain, tu es devenu la reine des neiges. Je t'emmerde. et vous entendez le massacre qui continue à l'intérieur. Le prêtre qui hurle « Démon, démon, sors de la maison de Dieu !» Que faites-vous ? Je me... Je dis « Hachem !» Et brûlé. C'est le seul mot que j'arrive à dire avant de reprendre mon sang. Edgar, Jonah, tu es un peu sonné pour un moment, donc je passerai ton tour en dernier. Et il est possible que je le passe pas sur cette session. C'est possible. Edgar, que fais-tu, toi ? Du coup, j'ai aidé à l'oreillette. J'ai entendu que pour l'instant, notre ami Jonah s'était remballé. Oui, ben vous avez vu ça, hein. Mia et Edgar, vous avez vu les portes s'ouvrir, une sorte d'ombre. Vous avez entendu d'ailleurs ce qu'elle disait à Jonah, et vous avez vu Jonah être repoussé en dehors de l'église. Vous m'avez vu entrer et faire wow, sortir. J'aurais dû écouter ma mère, j'aurais dû ouvrir un sushi. Du coup, non, on va je vais dire à Mia de se préparer pour le combat et de Cassie de se préparer également. Cassie, je crois que tu arrives avec l'engin, c'est ça? Ouais, tu arrives avec l'engin, tu es à deux pas de l'église. Les cris continuent à pousser à l'intérieur. Cassie, que fais-tu ? Je suis en train de venir très vite avec la voiture. Tu es devant. Tu es devant. Tu pleures. Ah, je suis devant. Ok. Bah, je pleure encore et je suis en train de vous donner vos armes. Brûle. Appuie sur le lance-flamme. J'ai un bouton que j'ai fait qui fait. Alors, il y a des gens qui sont dedans aussi, donc c'est pas. Ouais, essayez de faire sortir, c'est pas des victimes collatérales. Quoi. Non, mais essayez de faire sortir, je sais pas, moi je dis pas. Hop, j'arrête. Ouais, Cassie, du coup, tu files les armes à tout le monde, donc vos armes, hein, votre équipement de base, je présume. Et toi, vraiment. Donc t'es en train de filer les équipements. Edgar, tu reçois ton équipement, que fais-tu ? Du coup, je profite aussi pour lui demander des runes de piège qu'on avait pris, que je connais. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je savais de l'armurerie que je m'attendais vraiment à voir ce genre de choses. Donc, j'ai également pris des runes. Des runes de combat. Oui, des runes de combat. Juste pour utiliser ma magie. D'accord, très bien. Et tu rentres ? Je demande à Mia et à Cassie de me suivre et oui, je rentre à la porte, du coup j'imagine ça. Vous rentrez tous les trois ? Bah, je sais pas ce qu'ils font. Justement, je pose la question de manière générale. Moi je vais un peu rester. Je me rappelle très bien ce qui s'est passé en Wisconsin. Je suis très mauvais en combat, donc je vais plutôt dire je vais rester à côté de Jonah, histoire qu'il aille mieux, pour qu'il y retourne à pleine balle. Cassie, tu accompagnes Edgar à l'intérieur. Mia, c'est étrange de ta part, en tant que un peu fan de Edgar, de ne pas écouter ses ordres. Mais c'est... Ah, il a donné un ordre, on y va. Bah, oui, on y va. On y va tous les trois, et c'est vrai que c'est un peu étrange pour Mia. Je finis ma brochette de baleine, je balance le pic et je suis parti. Je le fusil à pompe. Vous faites bien. Jonah. Je suis dans la neige mort, alors lourd. Jonah est en train de se remettre prudemment de. Enfin, prudemment non, mais disons qu'il se remet difficilement du coup qu'il vient de porter. Et à ce moment-là, Edgar, Mia et Cassie. Vous rentrez dans l'église et vous voyez un spectacle terrifiant, le même spectacle qu'a vu Jonah. Vous voyez le prêtre avec un cierge allumé qui est en train de, les yeux exorbités, en train d'essayer de chasser le démon de la maison de Dieu, et autour de vous, des cadavres qui s'amoncellent, momifiés comme si leur vie avait été aspirée et comme si c'était décrépit.